18 au 22 juillet, c'est le méga week-end de golf au club de Saint-Prime en collaboration avec Toiture Hillman. Participez au concours de Long Drive le vendredi 21 juillet et courez la chance de vous envoler pour Las Vegas. Informations et inscriptions ou pour l'horaire de la fin de semaine, consultez notre page Facebook ou notre site Internet au www.golfsaintprime.qc.ca. Le club de golf de Saint-Prime, 418-251-2831. On va parler de natation, de nage en eau libre. Bon, on sait que la semaine dernière, on a parlé avec Xavier Desharnais. On a également parlé avec Gabriel Savard. Là, maintenant, on va parler avec un autre bel espoir qui a participé au marathon du lac Adjim à Saint-Thomas-d'Isle en fin de semaine. A également participé ou va participer à la traversée internationale du lac Saint-Jean. C'est Dania Bellil. Bon midi, Dania. Bon midi. Dania, d'abord, si on connaît un peu, c'est la première année que tu vas faire la traversée internationale du lac Saint-Jean. Comment tu vis ça? J'ai très hâte. En fait, je compte les jours jusqu'aujourd'hui, puis je suis impatiente à ce jour. OK. Comment tu t'es entraînée, finalement? J'ai demeuré à Québec pour rester avec mon équipe de natation, parce que je m'entraîne avec Sabrina Lavoie, qui vient de la région également, là, ouais, à Québec. Donc, on fait à peu près les mêmes entraînements, fait que des entraînements spécifiques à la distance. Là. OK, OK. Toi, tu te spécialises dans quelle distance? La longue distance, 32 km, où tu es capable également de courir sur des plus courtes distances et de performer aussi? Là. Ben, c'est sûr que durant l'année, il y a beaucoup moins de courses en eau libre, surtout dans la région de Québec. Ouais. Que durant l'année, je fais du 400 à 800 mètres en piscine. Puis aussitôt que la saison en eau libre commence, là, moi, je me débrouille aussitôt que plus il y a de kilomètres, plus je sais. Là. Ben oui. Comment tu... je veux dire, c'est quoi ton objectif à travers la traversée de la Saint-Jean? Est-ce que c'est de terminer? C'est terminé, j'imagine. Oui, ben pour ma première année, là, mon objectif principal, c'est vraiment de terminer, puis d'avoir du plaisir, puis de comment je pourrais dire ça, là, de terminer, tout simplement. De profiter de chaque instant, là, de chaque moment de la semaine, puis de ma course. Okay. Vraiment là, partir sur une bonne note, c'est comme ça l'année prochaine, je vais pouvoir me fixer d'autres objectifs là, un peu plus ambitieux. Le fait que il y a la combinaison cette année, ça change pas mal la donne. Oui, c'est sûr que là en plus ça a été comme ajouté là assez rapidement. Fait que on est tous un peu comme mélangés, on sait pas trop où qu'on s'en va avec ça. Là. OK. Mais j'imagine que le froid puis tout ça, donc le vent, parce que le lac Saint-Jean, c'est spécial, là. J'imagine avec la combinaison, ça va changer complètement. Oui, ben en fait, on ne sait pas, personne vraiment s'attend à quoi ça va ressembler, là, une course avec la combinaison, mais comme si le matin, sauf que moi, de mon côté, je préfère que la combinaison soit pas permise. Là. J'ai quand même une bonne endurance dans l'eau froide. Fait que je vais me croiser les doigts pour que le lac soit assez chaud ce matin-là. OK. À Saint-Thomas-d'Isle, en fin de semaine, comment ça a été? Ça a été relativement bien. J'ai un peu déçu de ma course. Je pensais mieux performer que ça, mais je me suis améliorée versus l'an passé. Fait que tout est correct, finalement. OK, OK. C'est différent. C'est totalement différent aussi, là. Oui, parce que au lac Adjim, c'est une boucle de 2,5 km qu'on fait 6 fois. Il n'y a pas de vagues, le lac est super chaud, puis c'est vraiment pas la même game. Je peux dire ça comme ça. Là. OK. Donc, cette année, tu as fait également Chibougamo? Non, j'ai pas été à Chibougamo, c'est un petit peu trop loin. J'ai été à Shawinigan lundi 3 juillet, course de 5 km. Là, j'ai bien performé, j'ai bien géré ma course. Fait que... ça a bien été. En fin de semaine prochaine, je m'en vais les compétitions Uniprix à Robertval. Je vais faire le 5 km aussi. Mmh. Okay. Après ça, il va me rester le 32 km. Bien, effectivement. Comment qu'on s'entraîne durant... Est-ce que tu vas dans le lac? C'est des entraînements de piscine pour te préparer? Étant donné que moi, j'ai quand même un bon bagage en lac, dans la région de Québec, on a plus ou moins accès à des lacs. Fait que nous, on fait beaucoup de millage en piscine, puis on s'entraîne sur différents types de vitesses pour vraiment comme s'habituer à avoir une bonne endurance. C'est sûr qu'on a fait quelques sorties au lac Saint-Joseph, qui est pas très loin de Québec. Puis comme la semaine prochaine, je vais être au lac, fait que je vais faire plus de sorties en lac. Là. Mais principalement, c'est sûr qu'on fait plus d'entraînement en piscine. Là. OK. Tu viens de Saint-Félicien, mais tu étudies à Québec, c'est ça? Oui, actuellement, c'est ça. Ça fait 2 ans que je suis à Québec. J'ai terminé ma deuxième année en intervention sportive À l'Université Laval. À l'Université Laval, OK. Ben, Lani, on va te souhaiter la meilleure des chances pour cet événement-là qui aura lieu le 32 km. C'est une belle aventure. J'imagine qu'on a des papillons. Tu as participé au marathon de la relève, donc tu sais à quoi t'attendre un petit peu. Donc, on va te souhaiter la meilleure chance et on risque de se voir le 28 juillet au Quai de Robert-Houdin. Le 29 juillet, effectivement. Donc, voilà. Donc, Daniela Bellil de Saint-Félicien.